On vient de révéler que les autorités autonomes du département de Nagasaki, Japon, avaient détruit la liste des ouvriers coréens qui avaient été emmenés de force par le Japon à un chantier naval de ce département pour être accablés des travaux durs avant la libération de la Corée. Le journal japonais Mainichi Shimbun, daté du 8 août, annonce que l'industrie lourde Mitsubishi a déposé en juin 1948 la liste des 3418 ouvriers coréens aux autorités judiciaires de Nagasaki et leur a consigné la somme d'argent à payer à ces Coréens. Or, les autorités judiciaires départementales ont supprimé arbitrairement cette liste en 1970 sous prétexte de la fin de la durée de son dépôt. Quant aux travailleurs coréens, ce sont des personnes qui sont mortes ou sont victimes du bombardement atomique américain.